Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, deuxième partie, sixième chapitre, troisième paragraphe. Nous devons l'obéissance à Marie notre Mère, en ce qui concerne la pratique des moyens de persévérance, et, de progrès dans le chemin de la vertu. Il ne nous servirait guère d'avoir commencé à faire le bien, si la suite ne répondait pas à cet heureux début. En effet, ce n'est pas celui qui aura commencé, mais celui qui aura persévéré qui sera sauvé. La couronne ne sera accordée qu'à celui qui aura légitimement combattu. 2 Timothée 2, 5. Et quel est, demande saint Augustin, celui qui combat légitimement, celui-là combat légitimement, répond-il, qui combat jusqu'à la mort. Voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous recommande Marie. Soyez ferme, nous dit-elle, soyez constant dans la voie du Seigneur, Ecclésiastique 5, 12. Soyez persévérant dans le bien. Travaillez même à croître de jour en jour en sa divine présence car telle est la voie du juste. Son sentier est semblable à une lumière resplendissante, qui s'avance et qui croît jusqu'au jour parfait, lequel n'est autre que le jour où il est admis à la participation de la gloire céleste, là où il n'y a plus possibilité de croître. Et où chacun recevra la récompense correspondante au progrès qu'il aura fait ici-bas dans le chemin de la vertu. Que telle ait été la vie tout entière de Marie, on ne peut en douter. Non seulement elle persévéra dans la grâce que Dieu répandit en elle dès le premier instant de son existence, mais de plus elle alla toujours croissant sans s'arrêter jamais, en sorte que son divin époux, s'étonnant pour ainsi dire d'un progrès aussi uniforme et aussi constant. Quelle est, dit-il, celle qui s'avance, semblable à l'aurore qui se lève et va croissant. Ô ma bien-aimée, je vous ai comparé à mes chars traînés par de vigoureux coursiers, Cantique 1, 8. Tels devraient être tous les enfants de Marie. Ils devraient imiter à l'envi la course rapide et constante de leur mère, qui, semblable à un aigle, anime ses enfants à prendre l'essor. Elle vole au-dessus d'eux pour les exciter à la suivre, Deutéronome 32, 11, mais qui aurait le courage de la suivre dans un vol aussi rapide, aussi élevé, qui pourrait y réussir? Personne, je crois, n'y a jamais réussi parfaitement. Nous devons faire néanmoins tous nos efforts pour la suivre d'aussi près que possible. Pour cela, il faut que nous mettions en pratique les moyens nécessaires. Si nous voulons voler avec succès, prenons des ailes. Il y en a deux principales, l'oraison et la fréquentation des sacrements. Si nous savons nous servir habilement de ces deux ailes, nous pourrons prendre un sublime essor, s'il ne nous est pas donné d'atteindre les hauteurs auxquelles Marie est parvenue, nous pourrons au moins la suivre de loin. Nous traiterons brièvement de l'un et de l'autre de ces deux moyens, dans deux sections différentes, qui termineront la seconde partie de l'excellence de Marie. Première section, la prière et la méditation. Le saint homme Job cherchait avec anxiété dans quel lieu habite la sagesse, il semble l'ignorer et ne savoir qu'une chose, c'est qu'elle ne se trouve point parmi ceux qui vivent au milieu des plaisirs terrestres, Job 28, 23. Mais quoi? On ne pourra donc savoir où habite la sagesse? Se pourrait-il que nous dussions vivre dans une incertitude aussi fatale? L'Esprit Saint nous avertit de la rechercher dans toutes nos actions, et après cela on ne pourrait la trouver. On peut la trouver, et on la trouve quand on la cherche bien. La sagesse elle-même nous l'apprend. Demandons-lui donc où elle habite, Entendez-vous sa réponse? J'habite dans le conseil, et je me trouve présente parmi les pensées judicieuses et sages. Proverbe 8, 12. Ces paroles sont celles de la sagesse sacrée, ce sont aussi celles de Marie, à laquelle l'Église les applique, en les mettant en quelque sorte dans sa bouche. Voulons-nous trouver Marie, et avec Marie la sagesse céleste nécessaire pour nous guider avec sûreté dans le chemin du ciel? Appliquons notre esprit à de saintes considérations. Arrêtons-nous à réfléchir souvent sur les grandes maximes de notre foi, qui, mûrement pesées, sont si propres à éclairer notre esprit et à dissiper les ténèbres qui lui sont funestes. Nous devons avouer que nous sommes aveugles, aveugles à cause de la faiblesse des lumières de notre raison, et beaucoup plus aveugles à cause de la corruption du péché, et de la fascination des passions. Nous devons recourir à Dieu, en nous écriant, « Seigneur, faites que je voie. » Jésus-Christ veut nous rendre la vue, mais c'est en nous mettant de la boue sur les yeux, Jean 9, 6 et suivant. Mettons-nous donc devant les yeux, dans notre méditation, la fange de nos misères, et la vanité de toutes les choses terrestres, mettons-y la pourriture de notre tombeau, et voyons ce que nous serons dans peu. Oh que ces considérations, que cette boue serait efficace pour ouvrir nos yeux à la divine lumière. Hélas, le grand malheur des hommes consiste précisément en ce qu'ils ne font presque jamais de sérieuses réflexions sur certaines vérités, qui seraient bien propres à dissiper les ténèbres de leur esprit. Un prophète déplorait cet aveuglement. La terre est couverte d'iniquité et de désolation, parce qu'il ne se trouve personne qui rentre au fond de son cœur. On voit tant d'hommes, créés à l'image de Dieu, destinés à posséder ce même Dieu, à n'avoir d'autre héritage que Dieu, Jérémie 12, 11, oublier tout à fait cet unique objet qui devrait les occuper. Abandonner cette fin unique pour courir après des objets séduisants et trompeurs, qui jamais ne seront capables de rassasier leurs désirs. Ils espèrent trouver la félicité dans les biens terrestres et périssables, et ils la cherchent avec anxiété, mais à la fin ils reconnaissent leur erreur. Ils ne trouvent qu'affliction d'esprit, ils ne font que souiller leur cœur et leurs affections de boue et d'ordure. Je vois ses souillures sur ses pieds, dit le prophète en pleurant sur la fille de Sion, Lamentation 1, 9, et elle ne s'est point ressouvenue de sa fin. Ah s'il s'arrêtait quelquefois à considérer quelle est la fin pour laquelle ils sont créés, et à laquelle ils doivent tendre pour être heureux, qu'il leur serait facile de se désabuser. Dieu a mis dans le cœur de l'homme un désir inné du bonheur, l'homme est naturellement forcé de poursuivre ce but, et en effet dans tous ses actes libres et volontaires, il ne fait que chercher le bonheur. Mais à quoi bon, s'il se borne à le chercher là où il ne le trouvera jamais, il le cherche dans les choses d'ici-bas, et il ne voit pas que la fin, c'est-à-dire le bonheur, doit toujours être plus noble et plus élevé que les moyens qui y conduisent. Il le cherche parmi les créatures, et il ne voit pas qu'aucune d'elles n'est capable d'assouvir sa soif insatiable, de combler le vide immense de son cœur. Ah s'il s'arrêtait quelquefois à ses réflexions, ses vues deviendraient bien différentes, et le but vers lequel il dirigerait ses pas serait tout opposé. Mais quel est celui qui y pense jamais? Parler à un homme de méditation, c'est lui tenir un langage étranger. Cependant, si l'on en croit saint Bernard, refuser de s'adonner à la méditation, et vouloir se perdre, c'est la même chose. Il en est plusieurs qui regardent comme une chose très difficile et presque impossible pour eux, que de s'appliquer à la méditation, mais ce n'est là qu'une vaine illusion. Rien n'est plus naturel à l'homme que de méditer, car qu'est-ce que la méditation? C'est une sérieuse application de l'esprit à la recherche d'une vérité. Qu'y a-t-il de plus naturel à l'homme que de rechercher la vérité, qui est proprement l'objet de son intelligence? Il suffirait qu'une petite partie de l'attention qu'on apporte à la recherche des choses inutiles et souvent même nuisibles, fût employée à la recherche de quelques vérités utiles et nécessaires. Que celui qui par le passé a médité l'iniquité dans le secret de sa chambre, psaume 35, 5, médita avec la même attention les vérités et les maximes éternelles. Mais ce sont là des objets si tristes, il est faux d'abord que ces vérités soient tristes en elles-mêmes, et d'autant plus faux, que l'Esprit Saint indique la pensée de nos fins dernières comme un remède contre la tristesse. Mon fils, ne livrez pas votre cœur à la tristesse, mais chassez-la loin de vous, et souvenez-vous de vos fins dernières, Ecclésiastique 28, 5. La pensée de ces vérités fait les délices des âmes saintes, de ces âmes pour qui cette terre est un lieu d'exil, et la mort le terme de leur exil. Si elle n'engendre pour vous que tristesse et mélancolie, cela provient de la mauvaise disposition de votre cœur. Quand Joseph se trouvait dans sa prison en Égypte, il prédit à deux officiers de Pharaon que dans 3 jours ils sortiraient l'un et l'autre de prison, l'un pour recouvrer son emploi auprès du monarque, l'autre pour être suspendu à un infâme gibet. Voir Genèse 39, 1 à 23, 40, 1 à 23. Cette délivrance de la prison était en elle-même un motif de joie pour tous deux, néanmoins autant les chansons la désiraient, autant le panetier la redoutait, et pourquoi? Parce qu'il craignait ce qui devait s'en suivre. La pensée de la mort produit les mêmes effets sur les hommes de mœurs différentes. Si vous vivez de manière que vous soyez fondé à espérer que la mort sera le terme de votre exil, vous vous réjouirez en pensant qu'elle est proche, mais si vous avez sujet de la redouter comme le commencement de votre enfer, il n'est pas étonnant qu'elle vous cause de l'affliction. Dans ce cas toutefois, cette affliction est bonne, elle est désirable, parce qu'elle peut vous porter à la pénitence, et ainsi vous soustraire à la peine que vous avez méritée, vous dirai-je, avec l'apôtre saint Paul, « Je me réjouis de votre tristesse, en ce qu'elle vous porte à la pénitence de vos péchés, 2 Corinthiens 7, 9, maintenant qu'elle peut être agréable à Dieu, et avantageuse pour vous, il n'y a par conséquent nulle excuse qui puisse justifier votre négligence touchant la méditation des vérités éternelles. Si donc vous désirez persévérer dans le bien que vous avez entrepris, ou même si vous désirez commencer une bonne fois à changer de vie, appliquez-vous sérieusement à la méditation de vos fins dernières. Souvenez-vous de vos fins dernières, et vous ne pécherez jamais. Ecclésiastique 7, 40. Ne laissez passer aucun jour sans faire au moins cette réflexion, ou une autre semblable. Il pourrait se faire que ce jour fût le dernier de ma vie. Le soir en vous mettant au lit, songez que vous pourriez fort bien être trouvé mort le matin suivant, comme il arrive chaque nuit à tant d'autres, sur la surface de la terre, le matin en vous levant, faites la même réflexion pour le jour suivant. Oh que cette pensée vous sera utile! Toutes les fois que vous avez une résolution importante à prendre, tenez avant tout conseil avec la mort. Quel sage avis ne pourra-t-elle pas vous donner, Ecclésiastique 41, 3. Si vous n'avez pas le courage de vous occuper toujours du même sujet, dirigez vos considérations vers quelque autre objet moins terrible pour vous, et non moins efficace pour vous retirer du péché et vous conserver dans le bien. Telle est la très sainte passion de Jésus-Christ, qui sera pour vous une source de toutes sortes de biens. Il n'est rien, dit saint Augustin, il n'est rien d'aussi salutaire à l'homme, que de penser chaque jour à ce qu'un homme Dieu a souffert pour notre amour. Si vous êtes fidèle à faire cette méditation, vous en retirerez une infinité d'avantages. Elle sera très puissante pour vous faire concevoir une vive douleur de vos péchés, en vous faisant voir combien vous avez coûté à Jésus-Christ. Elle réveillera votre espérance et votre confiance en Dieu, en vous montrant qu'il désire si sincèrement votre salut, qu'il en est venu jusqu'à répandre tout son sang pour vous. Elle enflammera dans votre cœur l'amour envers ce Dieu qui vous a aimé jusqu'à l'excès. Vous serez contraint de dire avec l'apôtre, « La charité, l'amour ardent de Jésus-Christ me fait une douce violence pour me forcer de l'aimer. » 2 Corinthiens 5, 14. Nous pourrons, comme des enfants dévoués de Marie, nous arrêter à considérer les amères douleurs qu'elle éprouva durant la passion de son divin Fils. Oh, quelle satisfaction vous procureriez par là à votre mère, que ce moyen serait propre à vous captiver son amour, que vous l'engageriez fortement à vous assister dans vos peines, en lui tenant compagnie dans ses douleurs. Vous pourrez quelquefois élever votre esprit à la contemplation de la gloire dont Marie jouit présentement, et qui vous est préparée, à vous aussi, si vous demeurez fidèle à votre Dieu. Que cette considération serait encore utile, qu'elle serait efficace pour détacher votre cœur des choses vaines et séduisantes d'ici-bas. Voulez-vous être armé contre les désirs du siècle ? Dit saint Augustin. Que le désir de la Jérusalem céleste croisse et se fortifie en vous. Que la terre me paraît vile, direz-vous avec saint Ignace de Loyola, que la terre me paraît vile, quand je considère le ciel. Voilà quelles sont les considérations capables d'occuper utilement votre esprit. Là, vous trouverez la sagesse de Dieu, là, vous trouverez aussi Marie, qui habite dans le conseil, et se trouve parmi les pensées sages. Elle se fera elle-même votre guide dans ce chemin quelquefois difficile à raison de votre faiblesse, elle-même fournira l'aliment à notre âme, la lumière et la force pour connaître le mal et l'éviter, pour connaître le bien et l'embrasser, le courage pour persévérer jusqu'à la mort dans la fuite du mal et dans la pratique des vertus chrétiennes. Vous arriverez ainsi à la possession de la gloire que Dieu tient en réserve pour ceux qui le serviront fidèlement durant le cours rapide de cette vie mortelle. Le titre de cet article annonçait en premier lieu la prière, et nous avons parlé de la méditation. Cela importe peu, car un homme qui médite est un homme de prière. La considération même des vérités de notre sainte religion nous excitera à prier et à tourner nos regards vers Dieu, pour obtenir la grâce de fuir le mal et de pratiquer le bien, car Dieu seul peut donner la force d'accomplir ses devoirs. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, et descend du Père des Lumières, Jacques 1, 17. Tout ce qu'il y a de bien doit venir d'en haut, tout doit procéder de la bonté de Dieu qui se communique à tous avec largesse, Ibidem 1, 5. Il faut prier cependant, telle est la condition qu'il nous a imposée, demandez et vous recevrez, Jean 16, 24. Car tous ceux qui demandent reçoivent, tous ceux qui cherchent comme on doit chercher, trouvent, et il sera ouvert à tous ceux qui frappent. Condition très facile à remplir, mais si pourtant nous refusions de nous y soumettre, nous n'aurons à nous plaindre que de nous-mêmes, de n'avoir pas obtenu les secours nécessaires. L'homme en naissant, et surtout en recevant le Saint-Sacrement de baptême, contracte alliance avec Dieu, Alliance très utile et très avantageuse pour l'homme. En voici les clauses, demandez, et vous recevrez, tout ce que vous demanderez en mon nom, soyez assurés que vous l'obtiendrez. Le Père Céleste ne vous refusera rien de ce que vous aurez demandé en mon nom. Dieu s'engage à nous départir ses dons, et nous sommes sûrs de les recevoir, moyennant le faible hommage que nous lui rendrons en les demandant. Voyez s'il se peut un contrat plus avantageux pour nous. Quel excès de folie ne serait-ce donc pas que de refuser de se soumettre aux lois d'un contrat si favorable, où nous n'avons rien à perdre et tout à gagner. Oh qu'il est utile de contracter avec le négociant qui ne cherche point son profit, mais ne désire que d'écouler ses marchandises. Eh bien, tel est précisément le contrat que nous faisons avec Dieu, Isaïe 55, 1, venez, achetez, mais nous n'avons pas d'argent, n'importe, venez sans argent, mais nous n'avons rien à donner en échange, n'importe, venez sans argent, et sans aucune autre chose, et vous prendrez ce que vous voulez. S'il se trouvait un marchand qui invita de la sorte tous les passants, on le tiendrait pour insensé, oui, assurément on le regarderait pour un insensé, mais nous devrons donc accuser de folie celui qui est la sagesse incrée. Non, jamais, gardons-nous-en bien, une telle pensée serait un blasphème. La raison qui le justifie, c'est que, tandis que les marchands d'ici-bas ne sont stimulés que par leur indigence, Dieu n'a d'autre désir que de nous communiquer ses faveurs, tandis que les marchands d'ici-bas ne cherchent d'autres avantages. Si toutefois ils y réussissent, que de grossir leur trésor, Dieu estime comme son propre avantage d'enrichir les autres. Proverbe 8, 21. Aussi les hommes étaient aussi avides de recevoir les biens célestes que Dieu est avide de les répandre, qu'ils seraient bientôt riches. Quelle douce joie il causerait à son divin cœur! Mais comment pourrait dire quelqu'un, vous dites que Dieu est si libéral, et moi je vois que depuis longtemps je sollicite des grâces sans en obtenir. Dites-moi, mon frère, avez-vous demandé ces grâces au nom du Sauveur? Sachez qu'on ne demande nullement au nom du Sauveur, quand les faveurs que l'on sollicite sont contraires au salut, dit saint Augustin. Vous demandez des choses viles, des choses terrestres, et peut-être même des choses positivement mauvaises, nul doute que Dieu ne vous exaucera pas. Apprenez à demander des choses grandes au grand Dieu, des choses divines au divin bienfaiteur, des choses célestes au Père céleste, des choses éternelles à l'éternel. Tout ce que nous pouvons infailliblement obtenir, pourvu que nous demandions comme il faut, se trouve renfermé dans l'oraison dominicale, dit saint Augustin, épistola 130. Toute demande qui ne peut rentrer dans celle-là est une demande charnelle. Demandez donc ce qui y est contenu, et vous l'obtiendrez. Demandez en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais il me paraît que je demande des choses célestes, des choses dans l'ordre du salut éternel, cependant je ne vois pas que je sois exaucé. Que signifie cela? C'est signe que vous ne les demandez pas comme il faut. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Pour demander avec les conditions requises, on doit le faire premièrement avec humilité, car la prière d'un homme qui s'humilie en la présence de Dieu percera les nues, et il ne se retirera pas sans avoir été exaucé. Ecclésiastique 35, 21. Au contraire, la présomption rend abominable devant Dieu. J'ai en horreur, dit-il, le pauvre qui est arrogant et superbe. Deuxièmement, nous devons solliciter les grâces avec une confiance et une espérance toute filiale dans la miséricorde divine. Demandez avec foi et sans hésiter, dit l'apôtre Saint Jacques, car celui qui manque de confiance ressemble au flot de la mer qui se laisse balloter par tous les vents, celui-là n'obtiendra rien de Dieu. Comment voulez-vous que certaines prières, faites avec dissipation, sans attention à ce que l'on dit, puissent pénétrer jusqu'au trône de Dieu, si elles ne pénètrent pas même jusqu'à notre esprit? La prière est un encens dont l'odeur doit s'élever vers le ciel, mais tant que l'encens reste froid, il n'exhale aucune odeur, il faut qu'il soit réchauffé, qu'il soit brûlé même, qu'il soit consumé. Enfin, la prière, pour être exaucée, doit être persévérante, la faveur d'obtenir, dit Saint Hilaire, dépend de la persévérance dans la prière. Il ne suffit pas d'avoir demandé une fois, il faut faire de nouvelles instances, recommencer à prier, sans jamais se lasser, jusqu'à ce que nous soyons exaucés. C'est ainsi qu'en a agi la Cananéenne qui pourrait fort bien être proposée comme modèle à tous les chrétiens. Elle pria, et elle ne reçut que mépris, elle insista, et elle fut rebutée, elle persista dans la prière, et elle obtint la grâce qu'elle sollicitait, accompagnée en outre des plus magnifiques éloges de la part du divin Rédempteur. Dieu n'exauce pas nos prières sur le champ, et cela, non qu'il soit avare ou tenace de ses dons, comme on pourrait peut-être se l'imaginer, mais pour notre bien, afin qu'en continuant à faire des instances, nous excitions nos désirs, et nous nous rendions capables de recevoir une plus grande grâce, comme l'explique saint Augustin. Ne nous lassons donc pas de présenter à Dieu nos supplications avec humilité, avec confiance, avec ferveur et avec persévérance, et notre miséricordieux Seigneur dans sa bonté daignera nous exaucer. Voulons-nous qu'elles aient plus d'efficacité? Offrons-les par les mains de Marie. C'est la vie que nous donne Saint Bernard. Tout ce que vous voudrez présenter à Dieu, dit-il, recommandez-le à l'intercession de Marie, afin que la prière monte par le même canal par lequel la grâce doit descendre. Peut-être vos mains ont-elles été souillées, et ne sont pas encore tout à fait purifiées. Eh bien, placez votre offrande dans les mains très pures de Marie, si vous ne voulez vous exposer à un refus. Les mains de Marie sont délices de la plus éclatante blancheur, et la majesté divine ne dédaignera rien de ce qu'elle trouvera dans les mains de Marie. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.